Salut, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va. Ça y est, tu es revenu dans ton espace de, je sais pas, de 25e siècle, là, je sais pas ce que c'est que ce truc. Voilà. Ben, c'est un masque fourni par Skype, alors je trouve ça plus intéressant que les éléments de ma chambre qui est encore un peu triste. Mais bon, voilà. Ouais, bah toi, t'as juste le plafond, le haut de mon armoire et puis la boule de chez Ikea. Voilà. Bah voilà. Bon, à part ça, qu'est-ce que tu racontes? Ah, bah si, j'ai bien. Ça me chauffe, là, ton sujet, là. C'est ton thème, là. C'est vachement bien comme truc. Hein. J'en ai discuté même avec Sylvie, c'est chouette. Ouais, bon. Voilà, je suis rentré un peu dans le fond, là, et j'étais en train justement de m'y repencher. J'avais l'intention de manger une pomme, et puis finalement, je me suis laissé happer par de l'étymologie, justement, de certains mots. D'accord. On va en parler. Hein. Eh bien, on y va. Alors, j'ai pris quelques notes, hein, c'est pas une planche bien construite, etc., mais... dans ces notes, il va y avoir quand même des choses qui peuvent nous interpeller. Yeah. Alors, le thème de ce travail que j'avais proposé, c'est le jardin d'Éden, prémisse du jardin merveilleux. C'est ça. Alors, ce jardin d'Éden, en hébreu, Éden, c'est le jardin d'Éden, en hébreu, c'est le jardin des délices. C'est le jardin merveilleux ou de la Genèse. Et c'est le jardin qui va accueillir Adam et Ève selon les traditions juives et chrétiennes. Et c'est un jardin dans un lieu céleste. Terrestre, excusez-moi, je dis une bêtise. C'est un lieu terrestre, le jardin d'Éden, pour les chrétiens et pour les hébreux. Par contre, pour le Coran, c'est un lieu céleste. Et j'ai trouvé intéressant cette distinction parce que pour un même mythe, parce qu'on parle bien d'un mythe, et bien l'un est dans le ciel et puis l'autre est sur terre. Alors ensuite, dans le Nouveau Testament, le paradis, puisque on parle bien du paradis, est associé au domaine des bénis, par rapport et en opposition au domaine des damnés où résident les morts. Le paradis est donc, j'ai trouvé ça aussi intéressant, est donc le monde de la Renaissance. Et là, je te renvoie à ce petit tableau que je t'ai... Que j'ai trouvé intéressant lors d'une expo que je visitais à Auray il y a quelques jours, où tu vois les damnés qui remontent des entrailles de la terre pour rejoindre le jardin d'Éden. Alors, dans quel sens on va? On va du ciel du jardin d'Éden vers les entrailles de la terre, où on va, comme nous le proposait ce tableau, des entrailles de la terre vers ce jardin d'Éden. Voilà, j'ai pas de réponse, mais je pense que ça peut être intéressant de se pencher sur ces questions-là. Alors, ce jardin d'Éden, bien sûr, puisque c'est un mythe, n'est pas vraiment un lieu géographique. On a cherché à le positionner, d'ailleurs on va revenir, mais bon, rien n'est moins sûr que la géographie que nous proposent les traditions hébraïques et chrétiennes. Ce jardin d'Éden abritait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre portait ses fruits. Et ces fruits, que la tradition nous dit être des pommes, mais quand on apprendra que le mot pomme en latin ou autre ne signifie fruit de manière générale et non pas pomme, la pomme que l'on connaît aujourd'hui. Alors, et ce jardin, avec cet arbre de vie, eh bien, pouvait pourvoir à tous les besoins d'Adam et Ève, qui étaient leurs habitants, leurs premiers habitants, sachant qu'Adam a été le premier et Ève est née de la cuisse d'Adam. Alors, la localisation du jardin, c'est intéressant ça. Il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, ce fleuve se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Le pays de Havila, qui environne tout le jardin d'Éden, eh bien c'est là où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est plus pur que les autres ors qu'on pouvait sortir de terre à l'époque. On y trouve aussi un produit qui s'appelle le bdellium, qui est une sorte de résine que aujourd'hui on pourrait appeler la myrrhe. Hein, l'encens et la myrrhe, là il s'agissait de la myrrhe. Et puis, une dernière pierre était extraite de cette terre arrosée par Pishon, qui était la pierre d'onyx. Le second fleuve, eh ben celui-là, il s'appelle Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et le pays de Cush, c'est un pays que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années quand j'apprenais l'histoire égyptienne, où je ne sais plus quel pharaon, mais peut-être Ramsès II, qui a été en pays de Cush pour se battre contre les Mésopotamiens qui voulaient envahir le trône d'Égypte. Voilà, un troisième fleuve, et le nom du troisième fleuve, il s'appelle Hiddekel. C'est celui qui coule au paradis terrestre. Et c'est celui-là, de paradis terrestre, qui est dépeint dans la Bible comme la demeure du premier couple humain. Et on peut penser que ce premier couple humain a vu le jour à l'Orient d'Achour, près de ce fleuve Hiddekel, et ce fleuve humain, s'appelle aujourd'hui le Tigre, qui était en Assyrie à l'époque. Et enfin, le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et cet Euphrate, c'est peut-être là où était le paradis terrestre. En tout cas, c'était là où il y avait ce jardin paradisiaque, d'où furent chassés Ève et Adam, qui furent chassés de leur première demeure. Ça aussi, ça peut interpeller. Donc Adam et Ève habitaient un jardin. Ce jardin, ils ont voulu transgresser un certain nombre de choses. Ils s'en font chasser. Mais pour aller où? On va peut-être en reparler un peu plus loin. Dans le paradis terrestre, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de richesse. On n'en a pas besoin. Puisque nous sommes dans un monde qui est exempté de travail et de peine. Ah oui, c'est le grand bonheur que d'habiter le paradis terrestre. Donc on n'a pas besoin d'argent. Éden est donc le berceau mythique de l'humanité. Un paradis terrestre dépeint dans la Bible comme la demeure du premier couple humain. Mais Ève, sur le conseil du serpent, va croquer la pomme. Alors pourquoi croque-t-elle cette pomme? On peut penser que l'ambition de Ève était de devenir l'égale des dieux. Et Dieu, il n'a pas aimé. Et de ce fait, Adam et elle furent chassés de ce paradis. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui reconstruire notre jardin. Nous devons, tel Adam et Ève, nous reconstruire au plus près de Dieu, certes, mais il nous faut un terrain sur lequel, eh bien, on puisse retrouver notre un terrain qui autorise cette reconstruction. Et là, j'ouvre la porte à notre jardin merveilleux. Et c'est en ce sens que ce jardin d'Éden est peut-être, comme je le proposais comme thème de travail, les prémices du jardin merveilleux. Voilà. Donc c'est un thème qui m'a inspiré, parce que là on revient aux origines des origines, et on a un début de définition de ce que pouvait être notre jardin merveilleux, et à nous de le construire. Et je proposerai, peut-être pas pour la prochaine fois, puisque c'est à ton tour de trouver un thème de travail, mais je pense que ça sera bien de travailler sur l'arbre de vie. Parce que là, il y a matière à réflexion. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, à ton tour de nous donner ta vision de ce jardin d'Éden. Ah. Alors, je suis d'accord avec le prochain thème, l'arbre de vie, parce qu'en fait, on en arrive là. C'est vrai que c'est très intéressant de savoir que l'arbre de vie est aussi arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est assez marrant quand même comme association. Et j'en avais trouvé d'autres justement sur au niveau interprétation. Et c'est vrai que pendant un moment, j'ai fait du grec hein, dans ma jeunesse. Ah, d'accord. Du grec et du latin. C'était encore à l'enseignement. Donc j'ai choisi ces langues dites mortes. Puis après ça, je suis allé en Grèce et j'ai vu que en fait les prononciations n'étaient pas du tout les mêmes, qu'il y avait des mots, il y avait une certaine réduction en fait des mots, et qu'il y avait des mots qui ne se disaient plus, qui constituaient vraiment la richesse du grec ancien, parce que comme dans d'autres langues comme l'araméen ou l'hébreu, les mêmes mots peuvent dire plusieurs choses à la fois, pas à la fois, mais plusieurs choses, ce qui permet des interprétations qui peuvent être complètement à l'opposé les unes des autres. Et c'est ce que me disait aussi mon copain, l'imam, à propos de l'arabe. Il disait, oui, voilà, il y a des mots, il suffit, en fait, dans le Coran a été écrit sans accent. Ce qui fait que l'arabe moderne a des accents qui donnent en fait une valeur aux mots et une orientation. Mais le Coran a été écrit sans accent à l'origine. Ça veut dire que en fait, tu peux l'interpréter la vie comme la mort pour le même mot, selon ce que toi tu vas mettre comme accent à tel ou tel endroit. Et il se trouve que aussi quand on avait parlé un petit peu de l'Égyptien, enfin de l'Égypte et des hiéroglyphes, justement, qui sont gavés de symboles, qui sont essentiellement écriture symbolique, et que donc le moindre détail est super important. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien le côté des écritures, mais ça montre en tout cas que qu'il y a beaucoup de choix qui ne se sont pas orientés de façon très judicieuse. Beaucoup d'interprétations qui n'étaient pas forcément très judicieuses. Alors, tu vas comprendre la chose. Je vais prendre un peu les notes que j'ai faites. Et tu vas voir qu'on se rejoint. Toi, tu as fait une démarche et on se rejoint. Et en plus, j'ai posé la question à Sylvie qui, tout en disant que ça l'a gavée de réfléchir parce qu'en fait, elle avait d'autres choses à réfléchir, elle y a réfléchi quand même. C'est ça qui est chouette, j'aime bien. Est-ce que tu vas nous faire part des réflexions de Sylvie dans ton propos ou pas ? Oui. Ah, très bien, d'accord, ça va être intéressant. Ah ben, c'est la discussion que j'ai là, je pense que je vais en avoir d'autres aussi avec Roderick. Ouais. Et avec Sylvie, Je pense qu'il y en a d'autres qui vont qui vont commencer à s'imprégner de ça, et ça me réjouit d'avance. Voilà. Une chose, je fais un petit aparté là. Ce qu'on se dit aujourd'hui, comme hier, c'est enregistré. Oui. Oui. Et j'ai commencé à partir du dernier, de notre dernière entrevue, à créer un podcast. Ben ça va, ben ça me dérange pas. Là, mais ça peut te servir pour Rodrigue et les autres. Oui. Parce que ça leur donne accès quand ils veulent à nos enregistrements. Et puis, c'est libre de toute réflexion. Paraît-il en tout cas que, selon ce que disait France Inter, que les podcasts, en fait, sont en train d'exploser, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à se dire qu'ils en ont marre de subir le tout et le grand n'importe quoi sur les ondes, et que donc, ils veulent choisir ce qu'ils écoutent. Voilà. Eh bien, voilà. L'occasion va être proposée. C'est bien. Alors, on t'écoute, mon ami, on t'écoute. Alors, pour moi, le jardin merveilleux, c'est le jardin de la relation pédagogique père-fils. Le premier Éden, c'est le jardin de l'interdit. Profite de tout, mais garde-toi bien de goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, Dieu s'en va et le laisse seul. Et à chaque fois que je dis ça, je ressens la position de père et la position de fils. Et on voit, comme je suis maintenant le petit-fils, ce que ça donne lorsqu'on est petit, lorsqu'on est jeune, quand il y a un interdit. Cet interdit, en fait, prend de plus en plus d'importance, un peu comme Barbe Bleue. Ouais. Tu peux profiter du château, mais ne va pas dans telle pièce. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, une fois que tu as profité du château, ben, tu as envie d'aller dans cette pièce. Tu as envie d'aller voir ce qu'il y a sur cet arbre. Tu peux, je m'excuse, je te coupe un petit peu. Oui. Ces questions d'interdit, je les ai un peu travaillées. tu peux dire aussi que cet interdit, il est nécessaire pour qu'il y ait transgression. Si tu n'as pas de transgression, tu n'as pas évolution. Oui. L'homme évolue par ses transgressions. Donc, par le non-respect de ses interdits, mais il évolue à ses dépens. Et ça lui coûte parfois très cher. Excuse-moi de t'avoir interrompu. C'est bien, tu mets un truc sur lequel je suis, je suis en phase. Ouais, mais je sais bien que tu es en phase. Alors, bon, après ça, il le laisse seul, mais très vite, il voit qu'il lui manque quelqu'un et lui donne la femme. Tirée de lui, d'après ce qui est écrit. Mais ça ne le suffit pas. L'interdit l'attire, lui et elle. Il n'y a bientôt plus que ça qui compte. Et ils y succombent. N'est-ce pas ce qui caractérise la jeunesse et l'homme de façon générale? Et est-ce que Dieu a manqué sa pédagogie là-dessus, avec cet interdit? Alors, il essaye d'effacer tout et de recommencer avec Noé. Mais ça ne marche pas non plus. Parce qu'en fait, l'interdit, il reste même dans Noé. Sa pédagogie vis-à-vis de son peuple n'est pas au point non plus. Dans la traversée du désert, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de dommages collatéraux. Dès que son guide s'absente, le peuple s'égare. Il passe par l'oral, il passe par l'écrit, mais en fait tout cela divise plus que ne rassemble, l'homme se faisant toujours interprète à son avantage personnel. Il envoie ses prophètes, puis son fils avec une rédemption même à la clé, mais non. Tous sont malmenés et mis à mort. Alors il faut repasser par un nouveau commencement. Et c'est là que je fais un bond vers ce dont je t'avais déjà parlé. Il y avait un prêtre qui avait travaillé, qui avait fait une prédication là-dessus, sur le Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Sa prédication terminant par « Il faut, en fait, écrire » le testament suivant. Alors, je suis allé chercher. Testament, c'est, on dit, testament, mais ça peut être aussi traduit par alliance. Alors, je dis alliance, tiens, moi qui ai fait du grec, je suis allé chercher. Le terme, en fait, grec, c'est diatheke. Diatheke, qui peut vouloir dire à travers la mort. Mais dia, ça peut vouloir dire à travers, mais aussi à distance de. Ce qui est quand même fondamentalement différent. Et teke, c'est l'enfermement, le cercueil, le sépulcre. Donc on peut aussi traduire le mot grec, diatheke, par à distance de l'enfermement ou à distance du sépulcre. Ça change tout. C'est un nouveau commencement. Ça veut dire que là, on commence à sentir la fameuse vie éternelle dont parle justement Jésus, à distance. Et ce commencement, on pourra l'appeler troisième testament ou troisième alliance. C'est celui, c'est de prendre l'homme là où il est, là où son esprit, sa raison et ses capacités sont aujourd'hui, et de le conduire pas à pas vers un autre, à travers un autre chemin, mais surtout de ne pas le lâcher trop longtemps entre chaque phase, chaque progrès. C'est ce que beaucoup de parents ont découvert durant le confinement obligé. S'occuper d'eux et éduquer, s'émerveiller des progrès de son enfant, ou même de ceux des autres. J'ai vu, moi, j'ai suivi Sylvie qui faisait... Justement, elle avait 6-7 élèves au niveau français et qu'elle voyait quasiment chaque jour. Ça lui a pris énormément de temps, mais ça lui a donné beaucoup de plaisir parce qu'elle ne voyait, elle le voyait pas les enfants, mais elle les entendait. Et c'est vrai que pour l'apprentissage de la langue française, bah c'est quand tu l'entends que tu vois que le progrès se fait. Et du coup, j'en arrive à... Cette phrase qui est cette citation qui est dans les trois et les quatre évangiles, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire que c'est lorsqu'ils ne sont pas encore corrompus et il y a beaucoup de psychologues de l'enfant qui ont travaillé là-dessus, de s'apercevoir que en fait, dans les premières années, ils ont des capacités phénoménales d'acquisition et d'intégration qu'au fur et à mesure, ils perdent. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils les perdent ? Qu'est-ce qu'on a généré pour qu'ils les perdent ? Voilà. Alors c'est vrai que ce sont des petits-enfants. Il n'a pas parlé des jeunes comme on parle des jeunes aujourd'hui en leur donnant le pouvoir de voter, hein, le droit de vote. Là, ce sont les petits. Ils n'ont pas le droit de vote, mais par contre, ils ont des capacités monumentales. Voilà où j'en étais au niveau de ma recherche perso. Et puis, j'ai posé la question à Sylvie, qui m'a donné une très bonne idée. Et ça fourmille, ça germe, ça mûrit. Elle m'a dit, Éden, c'est le jardin de Dieu pour accueillir l'homme. Le jardin merveilleux, il peut être le jardin des hommes pour accueillir Dieu. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc finalement, je te rejoins. Bon, alors voilà. Mais je reviens sur ton propos. Je vais te faire une critique un petit peu abrupte, mais je pense que le thème de notre travail, c'était le jardin d'Éden. Tu laisses Sylvie en parler, mais toi, tu en parles très, très peu. Très, très peu. Par contre, tu as dit des tas de choses complètement pertinentes sur toute la problématique de l'homme et sa capacité à grandir. Et tout ce que tu as dit, c'est complètement vrai. Mais où est le jardin d'Éden dans ton propos ? Dans le propos, en fait, dans le jardin d'Éden. Dans ton propos, toi, pas celui de Sylvie, parce que Sylvie, elle a recentré un peu les choses, et je partage complètement sa conclusion. Oui, mais je suis d'accord. Éden, le jardin d'Éden, bon, j'avais déjà travaillé le thème dans, un peu dans le même sens que toi, c'est-à-dire qu'est-ce que, où est-ce que c'était le positionnement, est-ce qu'on s'est pas viandé sur les questions de positionnement, est-ce qu'on retrouve la même chose dans le Coran ou pas, et qu'est-ce que pensent les juifs de ça, enfin bref, là j'avais lu quelques bouquins et je voulais pas revenir là-dessus, sur ce côté un peu exégétique. D'accord, voilà. D'accord. Moi ce qui m'intéressait c'était le prémisse. D'accord. Prémisse du jardin merveilleux. Pourquoi prémisse ? Comme si, en fait, ce qui était gênant là-dedans, c'était comme si Éden n'avait existé que comme prémisse du jardin merveilleux. Que l'aboutissement aurait été le jardin merveilleux. Ça me gênait, quand même. Prémisse, c'est signe de... Alors, est-ce que Éden aurait été que en fait un commencement pour que le jardin merveilleux soit un aboutissement ? Je sais pas. On est dans deux états différents. Pardon ? On est dans deux états complètement différents. Oui. Le jardin d'Éden, c'est l'origine du monde. Oui. Et le jardin merveilleux est un des aboutissements de cette réflexion. Adapté à l'homme. Hein. Voilà, c'est consécutif. Le jardin merveilleux vient après le jardin d'Éden. Oui, parce que, si tu veux, il y a quand même une réflexion que je me faisais, moi, en faisant cette planche-là, cette petite planche. Je pense qu'il faut que, à un moment donné, nos propos servent à quelque chose et qu'ils puissent venir étayer une démarche auprès de tous ceux que l'on va ramener, que tu vas ramener dans ton jardin alréen. Mais pour arriver dans le jardin alréen, et expliquer la démarche, il faut déjà en connaître la genèse. Et la genèse, pour moi, si tu veux, elle a commencé à Éden. Voilà, pour donner un ordre aux choses, si tu veux. Oui, mais en fait, les choses peuvent se construisent morceau à morceau. Et c'est pas forcément dans un... Ça ressemble un petit peu à un puzzle. Cette affaire. Parce que la fois dernière, on a parlé, tu as cité jardin en élévation, parce que je parlais de chemin ascendant, partant du bas vers le haut, qui rejoint d'ailleurs l'idée du jardin merveilleux, jardin des hommes pour accueillir Dieu. C'est-à-dire, c'est un jardin, comme tu dis, un jardin en élévation. Et ça, cette idée, elle est venue avant. Avant ce qu'on est en train de dire sur Éden et sur le... prémisse du jardin merveilleux. Ce qui veut dire que, en fait, l'avantage, c'est que on s'aperçoit que dans tout ça, il y a une cohérence qui est en train de se mettre en place. Le fond éthique, spirituel, est en train de se mettre en place, puisque au niveau du jardin des, je pense que c'était au niveau du jardin d'Éden et jardin merveilleux, on est toujours dans une question de jardin. Ça reste à savoir dans quel sens on le prend. Et ce sens-là, il a été défini même avant que l'on parle du jardin d'Éden. C'est ça qui est, qui est marrant. Mmh. Ce qui fait qu'en ce moment, on est en train d'appliquer le fond, d'assurer en fait la fondation de ce jardin, fondation spirituelle de ce jardin. Nous sommes bien d'accord. Mais si tu veux que ça soit compréhensible aux autres, il faut ordonner un petit peu les choses. Oui, voilà. Ça, c'est sûr qu'il faut. Mais on vient juste de commencer la thématique, hein. Enfin, la démarche thématique. On voit très bien que la réflexion sur le jardin Éden jardin et prémisse de jardin merveilleux, en fait, elle est en train, elle arrive après, mais il faudrait presque la placer avant. Mais je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle sera... Enfin, pour moi, elle devrait être placée avant, mais pour d'autres, pas. On en arrive à une question de pédagogie. Où est l'homme actuellement quand on parle avec le tout un chacun de jardin? C'est au mieux permaculture, c'est voilà, ce sont des trucs qui sont très très terre à terre. Si on commence avec Jardin d'Éden, là on est déjà en train de planer pour eux, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui me paraît intéressant, si tu veux, c'est que on puisse, à travers nos réflexions là maintenant, on va fournir un petit travail qui va nous amener dans le temps à différentes, orientations. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les quelques semaines à venir. Bon. Par contre, ce qu'il faut, c'est toujours se mettre à la place des autres. Et ces nouveaux impétrants, entre guillemets, que tu vas amener sur ce jardin de la rue Neuve, eh bien, il faut qu'ils comprennent dans quelle voie il faut qu'ils aillent. Chacun va voir un peu midi à sa porte. Certains vont regarder la spiritualité, d'autres vont être très terre à terre, des troisièmes seront dans la permaculture, de ce que tu veux, etc. Bon, il faut de tout pour faire un monde. Mais je pense qu'il faut quand même un grand architecte pour organiser tout ça et rendre les choses cohérentes, si tu veux, de façon à ce que, je reviens toujours à cet impétrant là, cette personne qui va, que tu vas ramener rue Neuve, eh bien, il faut qu'il se situe, il faut qu'il voit si ça correspond à ses attentes, il faut, voilà, on est en train d'ouvrir une voie qui n'est pas la plus simple, hein, parce qu'effectivement, il est plus simple de dire à Pierre, à Paul et à Jacques, que voilà, toi, tu t'occupes de ci, toi, tu t'occupes de ça, et tant qu'on est dans le concret, on sait bien de quoi on parle. Alors que là, on est un peu dans le mystère, on est un peu dans une création symbolique, et il faut que ce symbole, ces symboles, bah, accompagnent la démarche, quoi. Voilà, ça va de pair, ça marche ensemble. On ne peut pas venir impunément sur le jardin merveilleux, parce que le jardin, il restera jardin, peut-être aussi une question à se poser, et il ne deviendra jamais merveilleux pour certains. Donc, savoir quel objectif on se donne, ou tu te donnes. Oui. Ceci étant, j'avais donné quelques plus dans un texte que tu as reçu aussi d'ailleurs, des visions de nuit que j'avais eues. J'avais donné quelques réflexions justement sur la personne qui arrive par le quai Neuf. Je me souviens bien. Celui qui est aussi arrive par la rue Neuve qui monte et qui a une vision qui est par-dessus mais qui ne correspond pas à la vision mêlée de vie que celui qui prend le chemin pour monter. Donc déjà, il y a un chemin montant. On ne voit pas tout quand on est sur le terrain. Il y a déjà des indices pour... ce sont des indices, d'ailleurs, sur lesquels je voulais interpeller Stéphane, qui est architecte. Donc, comment arriver à ce que les personnes qui sont, en gros, qui passent par le quai Neuf se relève pour regarder ce qui se passe en l'air. D'accord. Actuellement, on regarde en l'air pour prévenir éventuellement la branche qui va te tomber dessus, quoi. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. D'accord. Bon, mais si tu veux, ça me paraissait bien qu'on ait cet échange pour bien se positionner par rapport à ce travail, je dirais, de spiritualité que l'on fournit, toi et moi, mais... également par rapport à ceux qui arrivent sur ce jardin, qu'est-ce qu'ils vont trouver, comment ils vont le voir, comment ils vont le décoder et comment ils vont le rendre merveilleux, si tu veux. Parce que tu peux le rendre merveilleux en esprit, mais il faudra quand même que la matière et l'esprit se conjuguent à un moment donné. Oui, tout à fait. Ceci étant, on peut aussi se laisser interpeller par l'esprit. C'est pas forcément le nôtre. Dire, moi, quand je parle de interpellation de l'esprit, c'est que il y a un esprit de, il y a l'esprit du lieu. D'ailleurs, quand tu parles, on parle à Sylvie Dujardin, elle parle de l'esprit du jardin. Ouais. Et donc, elle a des propos qui, je dirais, qui sont plus, encore plus détonnants que les miens. Alors, c'est quoi l'esprit du jardin selon Sylvie? C'est un endroit qui vit par lui-même et qui donc interpelle celui qui est dedans. Donc quand elle va dedans, elle se sent interpellée que par des esprits qui sont dans la terre, que la grotte elle n'est pas là par hasard, et que donc il y a une concentration de spiritualité dans cette grotte. Alors, là tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Pour ma part, je pense qu'une démarche aboutie, c'est bien sûr de se laisser interpeller au départ pour arriver vers le questionnement, mais il faut dépasser ce questionnement pour soi-même aller vers une transformation, une mutation. Et je pense que cette mutation, elle est nécessaire pour tout un chacun. Chacun à son degré, chacun de sa propre initiative, elle était nécessaire pour passer du jardin au merveilleux. D'ailleurs, ça pourrait être le thème d'une planche, ça aussi. C'est du jardin au merveilleux, voilà. Donc, l'idée que j'ai, bon, pour la suite du film, si tu veux, bon, on peut être là, toi et moi, à débroussailler les choses. On peut convenir, si Sylvie a envie de s'impliquer, eh bien qu'on a un échange à trois. À trois. Moi, je serais très ouvert pour échanger avec Sylvie et ce serait bien même, ce serait bien d'avoir une femme qui a quelques... Parce que je pense que les femmes ouvrent les voies et ont un esprit beaucoup plus rond que nous, hommes pas toujours très, très bien finis, quoi. Les femmes sont-elles mieux finies? Déjà elles donnent la vie. Et ça, oui. Ça c'est déjà une finitude. Oui, le mot se dit. Oui, une finitude qui à laquelle il faut être bien attaché, quoi, dans un monde d'équilibre. Oui, mais ça c'est une chose que, comme j'ai déjà dit à Sylvie, c'est une chose que j'ai eu du mal à accepter jusqu'à 8 ans. Je veux dire, mais comment se fait-il que les femmes donnent la vie et pas moi? Ouais, d'accord. Bon. Oui, mais c'est intéressant ça, parce qu'une femme donne la vie, donc si elle donne la vie, elle en comprend mieux la mort. Et l'homme, lui, c'est un vague chasseur qui regarde très loin devant lui, qui effectivement a une meilleure perspective. Bon, est capable d'une certaine perspective, alors que la femme, elle va rayonner dans son petit univers, etc. Mais bon, je crois qu'il faut confronter ces deux éléments, et je crois qu'on a bien intérêt à y associer la gente féminine. Alors, j'ai un problème, moi, de mon côté, c'est que Michaela, elle est absolument pas dans ce genre de réflexion. C'est pas du tout sa sensibilité. Mais si Sylvie ou d'autres, je sais pas, moi, je ne connais pas un grand... Ça pourrait être intéressant, je te le dis pour la suite. Et ça, je ne te le fais pas dire, ceci étant. Pour l'instant, en fait, elle est entre deux, entre ses parents qui sont difficiles à gérer et puis la gestion du, petit-fils qui va être secondé maintenant par une petite, ouais. dans pas longtemps. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de tiraillements qui sont très terre-à-terre. Oui. C'est pas évident. Donc avant d'avoir quelques réflexions, j'ai d'abord je peux avoir une volée de bois vert. Ah, mais ça fait partie des femmes aussi, ça fait partie des femmes, oui. Voilà. Bon, tu as tenu des propos tout à l'heure qui me faisaient penser à quelqu'un d'amoureux, hein. Quand tu parlais des femmes rondes, des elles sont comme ci, comme ça, tout ça. Bon, ceci étant... Oui, mais pourquoi parce que, oui, je suis amoureux, oui, tout à fait. Et je pense, alors là, tu tombes pile poil, mon ami, je pense que sans amour, on n'avance pas. Oui. Enlève l'amour, qu'il soit d'une forme ou d'une autre, l'homme s'appauvrit tellement qu'il devient moins que rien. Je suis d'accord avec toi. Bon. Et l'homme grandit par amour. Comme dirait un de mes maîtres, c'est un truisme. Bon. Oui, c'est un truisme, oui, si tu veux. Bon. Et par contre, c'est quand même... On a parlé de... On a fait des références bibliques, on parle de Dieu comme père. Et le père a envoyé un fils. Là-dessus, l'Église a essayé de magnifier le côté marial et finalement l'a largement répandu. Ceci étant, c'est quand même une relation père-fils au départ. Donc le père n'est pas si mauvais que ça. Là, tu as l'air de fustiger le côté mâle. Il est quand même là. Et c'est quand même le père, on prête quand même pas mal de choses au niveau éducatif, pas mal de devoirs au père, dont celui de le botter les fesses et de le foutre hors de la famille au moment où c'est opportun. Vol de tes propres ailes, quand il s'agit de ça. Alors que la mère n'est pas trop dans cette perspective-là. Alors pourquoi on a développé finalement ce côté matrimonial, pour moi c'est une grosse question. Est-ce qu'on avait besoin de développer ce côté mère? Est-ce qu'elle nous manque tant que ça pour en avoir toujours une mère supérieure? Il y a quand même quelque chose de bizarre. Moi je suis très intéressé par le côté justement la relation père-fils parce que c'est celle qui est la plus fustigée. Actuellement, au niveau éducatif, les pères sont toujours au boulot, ils sont toujours préoccupés par autre chose, par la puissance, par les bagnoles, par le machin, mais pas forcément par leurs enfants. Alors de temps en temps, on a affaire, on a des petites, même à la télévision comme à la radio, à des interviews de gens qui disant retourner à la terre, commencer à élever des chèvres et s'occuper un peu plus, de façon un peu plus importante de leurs enfants. Il se trouve que la plupart du temps, ceux qui font ça, du coup, c'est la mère qui se retrouve en industrie pour ramener un peu des sous. Donc finalement, il y a une espèce une inversion de choses. Et puis, on les présente toujours assez... Enfin, je ne sais pas comment ils choisissent ça, les médias... Dès qu'il y a un peu d'écologie ou de retour à la terre, on te présente des jeunes avec des queues de cheval, avec... voilà. c'est marrant, cette espèce de modèle. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça m'amène à plusieurs réflexions. Le père, de quel père parlons-nous? Le géniteur? Le père, l'un des membres de la Trinité, de Dieu en tant que tel. Bon, moi, j'essaye de bien dissocier tout ça. Si c'est un géniteur, il a besoin d'une génitrice. Je ne suis absolument pas opposé à la PMA ni à tout ça. Euh, je, chacun fait sa propre expérience, mais il y a quand même une nature qui fait que pour qu'un enfant existe, eh ben, il faut qu'il ait un père et une mère, pour l'instant. Bien. Maintenant, le père dont tu parles, parce que c'est toi qui parles du père, c'est pas moi, à aucun moment dans mon propos, je parle du père. Parce que, pour moi, le père, il n'a rien à voir avec le jardin d'Éden, à moins que, qu'il soit l'œuvre du Créateur, qu'il ait sa puissance créatrice pour créer Adam et pour créer Ève à la suite d'Adam. Donc, moi, je fustige personne. Tu as, dans la dimension du père que tu as évoqué, bon, une dimension très, je vais dire, télévisuelle, comme tu dis. Bon, le père, pour moi, il a une autre destinée, et c'est notre guide à tous, c'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous éclaire par son expérience, par sa puissance, par sa qualité de Dieu. Le Père, pour moi, dans les travaux qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est Dieu. Bon. Alors, le Dieu, il est comme ci, il est comme ça, chacun le voit un petit peu à sa façon, à son image ou pas, mais nous avons besoin, nous humains, de par notre faiblesse, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de guides. Et ces guides, eh bien, on les appelle comme on veut. Voilà pour parler du Père. Maintenant, le rapport Père-Fils. Alors, le rapport Père-Fils dans la religion, c'est une chose. Je ne pense pas que... dans le Nouveau Testament, on est... est-ce qu'il y a beaucoup de travaux d'exégèse qui ont été faits dans le cadre du Nouveau Testament entre le Père et le Fils ? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand le Fils s'adresse au Père, il dit bien « Abba, Père ». Oui, nous sommes d'accord. Oui, mais à quel moment il s'adresse au Père ? Dans ses prières. Dans ses prières. Ou même sur la croix. Et voilà, quand tout va mal. Quand tout va mal, et ben... Oui et non. Lors de la résurrection de Lazare, c'est « Je te remercie, Père, de ce que tu m'as déjà exaucé ». Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, donc, il est connu. non, mais attends, moi, du point de vue religieux, il est connu. Il est nécessaire dans notre entendement... voilà, bon, maintenant, Marie, dans tout ça. Ah, c'est intéressant, parce que je t'écoutais en tant que protestant tout à l'heure t'exprimer avec une Marie qui était un peu négligée, un peu mise de côté, un peu tout ce qu'on veut, quoi, parce que. Hein, bon, mais ça, c'est une des versions, une des branches du christianisme. L'autre, eh bien, Marie est beaucoup plus, est beaucoup plus près. Voilà, bon, maintenant, que dire ? C'est intéressant, moi j'aimerais bien en parler avec toi, parce que c'est quelque chose qui m'a... j'ai jamais eu trop l'occasion de parler avec quelqu'un d'essence protestante. Moi, je pose la question de savoir comment et à quel moment Marie a été mise un peu sur la touche. Alors, tu as une parole rapportée par la Bible où à un moment... les disciples de Jésus s'approchent de Jésus en disant « Ta mère et tes frères sont là qui te demandent. » Et Jésus dit « Qui sont ma mère et mes frères ? » et désignant en fait la foule qui l'entoure, tout cela sont ma mère et mes frères. Tous ceux qui m'écoutent et mettent en pratique sont ma mère et mes frères. Tout à fait, je me souviens bien de ce passage. Bon, d'accord. Ouais. Okay. Alors, déjà, ça, c'est pas très... C'est vrai que ce sont des textes qui énervent les femmes. Oui, mais voilà, d'accord, ok. Mais pourquoi les protestants ont-ils eu besoin de mettre Marie sur la touche? Ah, je sais pas. C'est plutôt... c'est la question qu'ils ont posée, c'était pourquoi on a mis Marie en avant? Dans toute la religion catholique, c'est pourquoi on a tant mis Marie en avant. Alors que finalement, les évangiles parlent de Jésus et ensuite de l'action des disciples de Jésus. Que finalement, Marie a été juste la porteuse au départ d'un Père céleste. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Mais si ça se passait, comme disaient certaines personnes, si ça s'était passé aujourd'hui, on aurait une mère, porteuse. Une mère célibataire. Mmh. Si c'était à certains siècles, elle aurait été lapidée, on l'aurait... voilà. Donc, avoir un enfant tout seul, c'est pas rigolo. Hein. Bon, à certains moments, ça n'a pas été rigolo. Et maintenant, ça serait une catastrophe pour... J'essaye d'imaginer si une de mes filles était toute seule et qu'elle se mette à être enceinte sans qu'on sache le père. Ce serait assez... bon, on pose la question quand même. Alors, en fait, là-dedans, dans les textes du Nouveau Testament, Marie intervient très très peu. Alors... Peut-être que dans des deutéros canoniques, des trucs qui n'ont pas été retenus pour la Bible, ouais. Voilà, publiés. Peut-être que Marie avait plus de place, mais je pense que ça devait plus se gêner. Il y avait beaucoup plus de choses plus gênantes que Marie. Il y avait des choses qui en fait entraient en collision avec d'autres évangiles et donc il valait mieux pas. Mieux pas les publier en même temps. D'accord. Bon, alors comment voilà. Marie a été mise sur la touche, la question c'est plutôt comment Marie a été mise en avant. Peut-être que parce que la touche mère a plus de portée que la touche père. Bon, je sais pas. Génétiquement parlant, oui. Oui, c'est sûr que la mère, elle est porteuse de son enfant. Mais si je comprends bien dans tout ça, là, je vais résumer avec des mots de jeune, les protestants sont super machistes. Je me fais un peu l'avocat du diable, là, tu l'as compris. Hein. Les protestants sont super machistes et... et MeToo, là, Marie, qu'est-ce que tu deviens? Et pourquoi on t'a laissé sur la touche? Et pourquoi quand la femme est devenue femme objet, etc., etc. Si tu veux, je fais un décodage extrêmement simpliste et vraiment primaire qu'il faut surtout pas retenir, bien qu'on soit enregistré, c'est ça qui m'ennuie, mais bon, c'est dit. Mais je pense que il y a des questions à se poser, si tu veux, il y a des questions à se poser, et je m'étais toujours dit que je te poserais la question. Maintenant c'est fait, ta réponse me convient que très très moyennement. Bon, tu t'en doutes, mais cela nous éloigne de notre jardin, mais peut-être qu'il faudra qu'on ait en tête à tête cette réflexion-là avec des propos un peu mieux étayés que les miens aujourd'hui. Mais il y a en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont posés poser déjà la question. C'est évident. Ça fait depuis même les premiers, ça a été ceux de la Réforme. Donc c'est là justement. Bon. Donc il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de blabla, beaucoup de morts là-dessus et d'hérésies et de voilà. Et moi par exemple, au niveau du Nouveau Testament, je suis pas d'accord avec les propos de l'apôtre Paul, où Alors c'est là que l'exégèse fait qu'on a temporisé un peu certains de ces trucs en disant à l'époque, parce qu'à un moment il dit il faut que les femmes soient couvertes lorsqu'elles rentrent dans l'église, alors que les autres doivent enlever le chapeau. Enfin, il y avait des trucs qui, comme tu dis, très machistes. Il se trouve que la société d'époque était comme ça. Donc, est-ce que Paul a adapté ses propos à, ou est-ce que c'est la traduction qui a adapté pour que ça ne heurte personne? Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a même pas, moi, bon, si tu veux, traduction, c'est même pas le bon mot, parce que là, on est, et j'attire ton attention là-dessus, parce que il m'a semblé tout à l'heure que tu flirtais un peu avec ça. La mythologie, nos religions du livre, ont leur origine, ont des explications. Et à aujourd'hui, on en a perdu toute la vérité première. Tous les textes dont on parle ont été tarabiscotés en long, en large et en travers. Il n'y a pas eu de traduction, il y a eu des vagues transmissions, des vagues interprétations, etc. Bon, à un moment donné, l'Église, ou nos Églises, ont statué sur un Ancien Testament, sur un Nouveau Testament, pour arrêter ça, si tu veux. Mais les exégèses continuent, les interprétations continuent, et ça va nous occuper jusqu'à la fin des temps. Maintenant, question, est-ce que c'est Dieu qui a fait l'homme ou l'homme qui a fait Dieu? Ah, ça, c'est aussi encore un gros débat. Hein. Voilà, bon. Là, moi, du coup, tu fais intervenir les Marx et les... Enfin, il y a pas mal de gens qui ont... Les théologiens posent la question, ouais, ouais. Tout le monde pose la question. Moi, j'ai un début de réponse, mais ce n'est pas l'objet de ce jour, mais on pourra largement deviser sur ce sujet-là qui m'a vraiment interpellé. Donc, je nous recentre sur notre jardin d'Éden, si tu veux. Et pour permettre à ceux qui vont nous écouter, si jamais on nous écoute, quant à nos propos, de dire, voilà, pour moi, le jardin d'Éden, c'était bien les prémices du jardin merveilleux. Jardin merveilleux que toi, Pierre, Paul, hein, on va t'amener sur notre jardin. Et tu vas le faire tien, ce jardin. Tu vas l'épouser, comme l'homme se doit d'épouser la nature. Mais ça, c'est encore un autre débat, mais qui me paraît aussi intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de Pierre, Paul ou Jacques pour l'amener à épouser ce jardin merveilleux qui est encore à l'état de mythe, et l'amener à transformer ce jardin mythique en jardin terre-à-terre, très terre-à-terre, sans jeu de mots, et à faire en sorte que ce jardin voit le jour aux yeux de nos congénères, quoi. Comment s'y prendre? C'est toujours la question que je te pose depuis qu'on se connaît, si tu veux. Hein. Oui, t'es pressé d'y voir des fleurs. Non, je ne suis pas pressé d'y voir des fleurs, mais je trouve, et tu me rendras cette justice, que je rentre bien dans ton jeu par toutes les discussions auxquelles je participe, et réciproquement, hein, parce que... On s'interpelle de bonne façon, toi et moi. Mais à un moment donné, il va falloir rentrer dans le concret. Alors, est-ce que pour rentrer dans le concret, on utilise une réflexion. Est-ce qu'on utilise une modélisation? Est-ce qu'on rentre dans la création? Comment tu vois les choses? J'ai pas d'idée particulière. Politiquement, une réponse politiquement correcte, c'est une bonne question. Mais encore. Ça veut dire que je sais pas plus. La chose se construit au fur et à mesure. Je le sais, et puis tu dois le constater. Nous sommes d'accord. À un moment, c'était un jardin qui était 13 rue Neuve. Maintenant, c'est un jardin qui commence avec un chemin en bas, quai Neuf. C'est un jardin en élévation. On ne le voit pas entièrement quand on est à un endroit ou à un autre, parce qu'en fait, il a une forme convexe qui empêche ça. On n'entend pas, quand on est d'un côté, on n'entend pas ce qui se passe de l'autre côté. Ça peut être des choses complètement différentes. Et au milieu, il y a une zone de concentration des deux côtés, de ce qui se passe des deux côtés. C'est assez... Là, j'essaye de résumer un peu le côté... le cahier des charges, quoi. Voilà, en gros. D'accord. Voilà. Le cahier des charges. On a une montée. Ça veut dire qu'il faut que les gens puissent monter. Tous ceux qui veulent. Ça, c'est un défi qui est un défi divin. Parce que les personnes handicapées, c'est pas évident. Tout à fait. Et pourtant, il y a un chemin. Et le chemin, c'est un chemin en élévation. Actuellement, on s'arrange toujours pour... sauf ascenseur, on s'arrange toujours pour que tout soit de plein pied pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et c'est vrai que c'est un défi. Ça, pour l'instant, je ne vois pas d'autres solutions à la chose, de solutions merveilleuses à la chose. Voilà. Voilà. Alors. Autre chose, on constate, ça fait seulement un an que ça a démarré. C'était janvier 2020, le premier, les premiers coups de débroussailleuse et tout ça. Donc ça fait même pas un an. Là-dessus, en y travaillant sur le fond, on s'aperçoit que c'est un jardin déjà suspendu. En l'état où il est actuellement, il est suspendu avec des racines qui sont en haut, qui tiennent des végétaux qui sont plutôt en bas. C'est quand même assez surprenant. Et c'est chouette. C'est chouette parce que ça fait imaginer autre chose. Ça inverse un petit peu les choses. Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce que du coup, on risque de couper les racines. Et ces racines, on en a besoin. Ça a à la fois une connotation très terre-à-terre, mais une connotation spirituelle. Donc on a besoin de ces racines. L'eau coulant de haut en bas, on a besoin de l'eau en haut pour qu'elle coule vers le bas. Ben, ça irait bien, là. Pardon ? C'est ce qui se produit. Ça va oui, bien. C'est ça. Sauf que, en fait, si on veut qu'il y ait un... Tu vois, on parlait de... Tout à l'heure, c'était un clin d'œil. On parlait de justement des fleuves qui traversent, le fleuve qui traverse l'Éden et qui ensuite se ramifie. Voilà. Donc là, c'est pareil. On peut créer un fleuve, mais un fleuve, ça coule du haut vers le bas. Ça ne coule pas du bas vers le haut. Du coup, il faut imaginer des choses qui permettront justement que ça coule du haut vers le bas. Actuellement, il n'y a que la pluie qui tombe dessus et il n'y a rien qui est susceptible de stocker en haut, sauf éventuellement les eaux qui sont récupérables dans les canalisations d'eau de pluie qui passent juste devant la porte, rue Neuve. Bon, là, il y a quelque chose à faire. Là, j'aimerais bien que je puisse en parler à un moment avec le responsable de la mairie. Et ça va se faire, ça. Ça, j'ai toujours pas de réponse. T'as pas ton rendez-vous encore? Pour le mois de novembre, t'as pas ton rendez-vous? Ouais, j'ai toujours pas mon rendez-vous. Ah, ça, c'est ennuyeux. Voilà, c'est un peu long. Ceci étant, j'ai pas perdu espoir parce que eux, ils sont sur place. Moi, de toute façon, je suis pas sur place avant un mois, quoi. Bon, hein. Non, alors moins d'un mois maintenant. Hein. Ça fait du 2 au 9. C'est moins d'un mois. Hein. Donc, il y a ça. Et puis, en même temps, j'ai ressorti de mes cartons après avoir... je sais que j'y avais travaillé, donc je les ai remis au haut du jour. Toutes les idées et de machines qui permettent de remonter l'eau du bas vers le haut. Donc, de systèmes physiques. Que tu as mis sur Dropbox, un peu. J'ai mis un peu, mais pas beaucoup. Hein. C'est la fameuse... Bon, il y a la fameuse pompe bélier. Bon, ouais. Ça, c'est un exemple. Mais c'est un exemple de chose, en fait, qui est très peu utilisée. Et ça fait partie du fameux projet L'héritage des anciens. Voilà. C'est des choses, en fait, qui existent depuis des siècles et des siècles, qui ont été mis au point par les Romains, les Arabes, et qu'on a laissé pour compte parce qu'on s'est mis à fabriquer des pompes et que c'était plus rentable de vendre des pompes que de faire des choses naturellement. Donc, on va les remettre au goût du jour, ces choses-là. Donc ça, c'est une chose qui permettrait notamment de remonter l'eau de la source du bas vers le haut. Quand tu dis que tu vas les remettre au goût du jour, c'est-à-dire ça va se traduire par quoi dans les faits? Ça veut dire qu'on va regarder un peu ce qui a été trouvé. T'as des gens qui sont connus hein, là-dedans. Léonard de Vinci a mis en point des machines qui sont... Et de voir comment on peut les adapter de façon merveilleuse sur le terrain. D'accord. Sans que ça provoque des levées de boucliers parce que c'est moche, parce que voilà. Il faut que ça. Si on veut que les personnes qui passent K9 relèvent la tête, il faut que ça, soit merveilleux. Voilà. Tout à fait. Et par ailleurs, il y a une chose qui m'avait interpellé et qu'on avait discuté justement avec les derniers élèves que j'ai eus, c'était. Et que j'ai revu encore en allant voir ma fille dans un truc de crossfit où, en fait, ils s'éclatent au niveau énergétique, quoi. Ils font de l'altéro, ils font des trucs, en fait, qui dépensent une énergie folle pour se maintenir en forme, en gros. Et de dire, ben, y a une énergie folle de tous ces jeunes qui sert uniquement à se faire des pectoraux et des tablettes de chocolat, à soulever de la fonte, alors que ça pourrait être quelque chose qui puisse servir à remonter, par exemple, de l'eau sur le terrain. D'accord. Et donc de pouvoir mettre en bas des machines surprenantes qui permettraient à des jeunes, tout simplement en se mettant dessus ou en tirant sur une corde, ou en fait à remonter de l'eau. Tout en se faisant du bien physiquement. Donc ça, c'est encore une étape supplémentaire. Le problème là-dedans, ça va être comment faire en sorte que le site ne soit pas matraqué par ce genre de choses. Tout à fait. Mais c'est envisageable. Il y a des choses qui sont très très simples. J'en ai pris des photos d'ailleurs que je peux mettre sur Dropbox, mais ça serait plus intéressant de les mettre sur le site. Quoi. Des choses qui ont été faites par... par les Arabes, là, des norias, notamment pour remonter de l'eau, qui étaient soit avec des chevaux, soit avec un âne, soit avec des gens, soit avec... Mais des systèmes qui sont extrêmement simples et qui, finalement, sont devenus monuments historiques, quoi. C'est-à-dire, on les regarde avec plaisir. Ça dépend. Quand tu vas en Égypte, tu en vois encore, hein, tout au long du Nil, des norias, oui. qui marchent, qui fonctionnent. Oui, c'est ça. Donc il y a des choses à récupérer dans les différentes civilisations. Il y a pas mal de choses à récupérer. Et c'est ça que j'avais commencé à faire, notamment en faisant des recherches de moulins à eau, des systèmes, qu'on appelle ça là, hydro-aérolique, c'est-à-dire mêlant l'air et l'eau, puisqu'il y a les moulins qui remontent les eaux et tout ça. Donc ça, c'est Ça, c'est une étape très, très terre-à-terre, mais aussi très architecturale. On ne peut pas faire n'importe quoi, quand même. Même si on a l'autorisation de faire des choses qui touchent à l'assainissement et à l'eau potable, puisqu'on n'a pas le droit de construire, mais on peut quand même faire ça. Et on peut aussi cultiver. Donc finalement, tout ce qui est vivant, tout ce qui est eau, on a le droit de faire. C'est super. D'accord. Voilà au niveau terre-à-terre où on en est. Et c'est vrai que maintenant, on a peut-être suffisamment d'éléments dans le cahier des charges et dans les perspectives pour pouvoir dresser un cahier qui puisse intéresser des gens qui veulent se pencher dessus. Des archis. Voilà. Par exemple. Mais imaginons que tu aies ton rendez-vous avec la ville d'Auray. Qu'est-ce que tu leur racontes ? Qu'est-ce que je leur raconte ? Je leur dis l'intérêt où on en est actuellement. C'est-à-dire, je suis au courant des réglementations touchant ce terrain. Que, en fait, on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe où, là-dessus. Par contre, il y a un endroit qui demeure quand même constructible. Hein. On a une petite enclave dans laquelle se situe la cabane, où on peut aménager des choses à vocation maraîchère ou agricole. D'accord. Donc là, c'est jouable. Donc on a des possibilités. D'accord. Donc il y a ça. C'est un, de montrer que je suis au courant de la réglementation et que ça n'empêche pas tout. Deux, que j'aimerais bien récupérer les eaux de pluie qui arrivent par le haut de Saint-Goustan, parce que ça représente quand même pas mal de litres et de mètres cubes qui peuvent être valorisés. Et tu as le droit, là, de faire des choses comme ça ? C'est eux qui peuvent nous donner le droit, parce que en état actuel, c'est la mairie et la communauté de communes qui gèrent ce genre de choses. Nous sommes d'accord, ok. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Par ailleurs, je pourrais lui dire que c'est un jardin en élévation, chemin montant, donc qu'il y aura sans doute une ouverture en bas, qui actuellement n'existe pas. Voilà. Ça, est-ce c'est que une tu chose. Peux demander une autorisation pour faire une ouverture en bas ? C'est-à-dire que tu crées une adresse. Tu es obligé ? Je ne sais pas. Là, il faut que je me renseigne. Là, je ne sais pas. Bonne question, ça. Parce nous, que, on effectivement, est, si, on tu, est... si tu veux procéder par ascension, il faut quand même ouvrir une porte quelque part en bas. Quoi. Oui. Je pense qu'on n'a pas, besoin d'adresse. On est exactement dans la même situation ici, à Strasbourg. On a une adresse, on a une rue devant et une rue derrière, avec une entrée devant et une entrée derrière. Il n'empêche qu'il n'y a qu'une adresse qui a été retenue et que de l'autre côté, en fait, il n'y a pas de numéro. Ce qui fait que quand il y a un livreur, on lui dit, on est à la rue du Fort, il ne sait pas. Bien sûr. Il passe de porte en porte et il ne sait pas. Bien sûr. Bon, mais ça, c'est peut-être quelque chose à creuser, ça, cette affaire-là. Parce que, effectivement, si tu veux, dans la matérialité, créer une ouverture en bas, qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la législation te propose, quoi. Hein. Et ce n'est pas n'importe quelle ouverture, puisqu'on a parlé déjà il y a quelque temps de portes. Bien sûr. J'entre dans tes portes, c'est un des psaumes. Tout à fait. Tout à fait. Mais dans ma tête, quand on parlait de portes, on parlait de portes en haut, dans ma tête. Oui. Je ne suis pas dans la tienne. Ok. Bon, alors, tu vois, il y a du grain à moudre dans tout ça. Et si on restait dans un domaine qui nous est un petit peu plus familier, dans ce domaine de la symbolique, quel est le thème que tu aimerais, sur lequel tu aimerais travailler la prochaine fois ? Oh écoute, tu as une très bonne idée. Non, c'est moi qui le propose, celui-là. C'est pour la fin d'après. D'accord, alors tu le gardes. Okay. Oui, je le garde. Je le garde. Mais à toi de trouver un thème T'as réfléchi ou t'as besoin de réfléchir? T'as réfléchi? Alors, j'ai réfléchi parce que justement, il y a quelque chose qui m'interpelle, dont d'ailleurs j'avais écrit une phrase, c'est actuellement ce qui m'énerve, c'est au niveau politique comme socio-économique, c'est qu'on est tout le temps en train de s'occuper des effets. On se focalise sur la pauvreté, mais en fait, en s'occupant des effets et des conséquences, on ne s'occupe jamais des causes. Et des causes, on n'en parle jamais. Et donc, quand on parle de jardin en élévation et de chemin montant, chemin en élévation, c'est pour retourner à une source. C'est justement pour revenir à cette source d'eau fraîche, vive. Alors c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est la source d'eau vive. Comment remonter? Comment, en fait, et là, on aura un aspect pratique, c'est comment... comment tu l'appelais là, l'intrant, non, le... L'impétrant, voilà. Comment l'impétrant qui va rentrer aura le sentiment de revenir aux sources. Ah, c'est différent de la ressource d'eau vive. Hein. Oui, oui. C'est un ressource que tu veux... Qu'est-ce que je note, là? Source. Oui, source. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la... Enfin, retourner, c'est vrai que retourner aux sources, c'est pas forcément la source d'eau vive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la source d'eau vive, ça c'est clair. D'accord, la source d'eau vive. Source d'eau vive. C'est noté. Oui, hein? C'est noté, la source d'eau vive, ok. Rapporté à notre jardin merveilleux, bien sûr. Oui, rapporté à notre jardin merveilleux. Là, merveilleux. D'accord. Ok. C'est bien ça. Alors, ça c'était le thème. Voilà, non, thème 3. Hop. On va prendre le même truc. Appliquer. Voilà. Bon. Eh bien, ça c'est clair. Ok. Alors, quelles sont tes disponibilités? Ça va être chaud, là. Ouais, ça va être chaud. La semaine prochaine, je suis en déplacement. Je vais me... On part lundi. Mardi, je pars avec le papy pour l'emmener à la campagne. À la campagne, il n'y a pas de connexion. D'accord. C'est un trou. je reviens... c'est moi qui conduis en plus. Je reviens jeudi. Vendredi, on repart direction Clisson pour ma fille. Et samedi, on repart au bord de la mer, à Plénestin. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire à Plénestin? On va se faire du bien. Ça, c'est bien. Plénestin. On dit Plénestin, pas Plénestin. Ah bon? On ne dit pas le S alors? Il n'y a pas le S. Plénestin. Et vous descendez où à Plénestin? Bon, on a un Airbnb là. D'accord. Parce que il y a. Moi, écoute, je n'ai pas été souvent dans ma vie à Plénestin. J'y suis allé une fois et on s'est tapé la cloche avec Michaela. Et il y avait un petit restaurant. Je me souviens, Plénestin est comme une ville un peu en. Une ville. Une petite ville, hein. En côte, et puis tu pars de la mer et tu remontes vers le village. Et sur la mer, sur la rivière, parce que c'est sur une rivière, si ma mémoire est bonne, et il y avait un restaurant qui avait un buffet de crustacés. Ah, de fruits de mer, oui. Buffet de fruits de mer, voilà, c'était ça, buffet de fruits de mer. Écoute, on s'est éclaté. Bon, j'étais tout seul là-dedans, et oui, c'était sur la rivière, c'était pas sur la mer, c'était sur la rivière. Et c'était super. Bon, écoute, et ce buffet, s'il existe toujours, il était presque au bord de l'eau. D'accord. Au bord de l'eau de la rivière. Au bord de l'eau de la rivière. Et la rivière, c'est pas la Vilaine, c'est une rivière connue, quoi, Pénétin. C'est quelle rivière, Pénétin? Location de vacances à Pénestin. Wikipédia. Pénestin. C'est en Bretagne. Ah, c'est dans l'arrondissement de Vannes. C'est pas très très loin. C'est pas loin. C'est la Vilaine, c'est bien ce que je te disais. C'est la Vilaine. Voilà. Bon. Et là, tu vas avec Sylvie solo ou vous faites... Avec Sylvie, la fille, et puis ma fille, et puis le petit. D'accord. Sachant que son mari continue de travailler, quoi. Bon, il faut bien qu'il y en ait qui bosse, hein. Elle est en congé de maternité maintenant, elle est arrêtée, donc... D'accord. On l'emmène prendre l'air. C'est très bien. Et Pénétin, c'est dans le pays de Guérande. C'est ça. Allez voir, le sel. Le sel. Et Guérande, on y est allé déjà plusieurs fois. Oui. Ah d'accord, c'est joli Guérande. Ah oui, c'est joli, oui. C'est un joli village. Oui. Ouais. Bon, écoute... Ça veut dire que je suis pas sûr, en tout cas la semaine prochaine, ouais. Il y a très, très peu de chance. La semaine prochaine, peut-être la semaine suivante, s'il y a une connexion, on peut se fixer un rendez-vous de principe. Allez. Alors, rendez-vous de principe. Ça sera le... Alors, 16h. On sera le 29. 29, oui. Allez, 29. Et plutôt à quelle heure? J'ai noté 16h, mais bon... 16h, allez. Rendez-vous clos. Avec des points d'interrogation, hein? Oui, à confirmer. Voilà. Bon, ça va nous donner un peu de temps pour raisonner sur... On fait un peu la course contre la montre pour faire nos travaux, là. il ne faut pas que ça s'en ressorte. Hein. Bon, donc, nous allons travailler sur la source. Sur la source, pourquoi pas. Donc, tu veux que je note comme troisième, comme quatrième thème, celui que tu voulais, ou bien tu risques de changer d'avis? Non, le troisième thème, c'est toi, la source d'eau vive. Oui, mais le quatrième, ça va être toi. Le quatrième, ouais, tu peux noter l'arbre de vie. Ouais. Mais on n'est pas tout à fait dans le même tempo, là. Hein, entre la source d'eau vive et l'arbre de vie, il y a quand même quelques années-lumière. Mais bon, c'est intéressant. Bon, en un mot... Et puis il y aura peut-être un thème aussi sur lequel il faudra qu'on travaille, c'est le jardin. Oui, c'est ce dont tu m'avais parlé dès le début. Le jardin, il y a beaucoup à dire, oui, même voilà. Au niveau symbolique, tout ça. Voilà, tout à fait. Bon, On va y arriver. Oui, on va y arriver. Moi, en tout cas, j'ai nettement l'impression d'avancer, même si tu me harangues pour que ça passe au concret et tout oui, ça. Moi, j'ai l'impression qu'on y va, que les choses sont en train de se structurer là. Je pense qu'il est de ma nature de t'haranguer, comme tu dis, sur la nécessité, outre un travail symbolique et spirituel, d'avoir quelque chose de plus terre à terre, parce que il faut que tu te forges ton esprit, si tu veux. L'esprit doit rejoindre la matière. Si l'esprit n'est qu'esprit, on a du mal à communiquer, mais il faut que l'esprit rencontre la matière. Et cette matière, elle peut se cristalliser sur ton jardin merveilleux, quoi, et sur le passage du jardin au merveilleux. Hein, voilà, mon ami. Bon, on a bien travaillé. J'ai toujours grand plaisir à échanger avec toi. Et puis j'apprends plein de choses, et puis je découvre d'autres sensibilités que la mienne, et c'est ça qui me plaît bien. C'est confronter un petit peu nos sensibilités pour grandir. Mmh. Grandir à deux, et puis grandir avec d'autres. Et puis, ouais, je te confirme bien que j'aimerais bien causer avec Sylvie, si, quand elle sera un peu disponible, quoi. Mais... Bah, tu sais, la grosse réflexion en ce moment, c'est va-t-elle ou ne va-t-elle pas s'arrêter, tu vois. On se pose déjà la question. Bon, ouais. Bah, c'est bien. Donc, voilà. S'il faut accélérer le processus, tu me le dis. Hein. Bah, tu sais, c'est essentiellement une question de gros sous, hein, c'est tout. Hein. Oui, puisque, alors là, en fait, elle n'est pas... si elle s'arrête à l'été prochain, elle n'aura pas la totalité de sa retraite. Donc ça risque d'être un peu c'est jeune. Clair. Et puis, bon. Le peu qui reste coûte très cher dans la retraite. Oui, c'est ça. Parce que, c'est complètement disproportionné. Sur 40 ans, il te manque une année de travail, mais cette année, elle te coûte 20% de ta retraite. Quoi. C'est ça. C'est monstrueux. Quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que... s'il y avait un signe, on attendrait un signe. Je ne sais pas, moi, bon, d'un coup, on joue au loto et puis on gagne. Bon, bah, là, l'affaire est réglée. Bon, sauf si on gagne que 5 euros. Bon, c'est sûr que c'est un peu juste. Voilà. Bon, on en est là, mais ça peut... les choses avancent, les choses évoluent. Ben, il faut mûrir ça tranquillement. Bien, ben, mon ami, écoute, je vais te laisser là. Te remercier pour tout ce bon temps, et puis te dire quand tu veux, hein. Ça marche. Allez. Est-ce que tu veux toujours que je t'envoie les notes, là, comme je fais, là? Oui, très bien. Très bien. Ça marche. Ah oui, très bien. Merci, salut, ciao. Salut.